Clémentine, ma copine, je t'appelle, viens ma belle. Malinga linga le longa na sukiye, je t'appelle maman. Viens, viens, viens, viens ma belle, viens, viens, viens, viens chérie. Mais calme les qui tuent, les qui m'aiment tout refait, même l'ingatement, et les qui n'a pas plein danger. Je t'appelle.